croisée des chemins. Avec mes effets personnels. LMM Beats. Si, si. Ouvre mon sac, tu verras qu'il y a plus grand chose dedans. J'y ai stocké mes joies, mes victoires, la photo des enfants. Entre temps, j'ai dû trier, j'ai dû faire de la place. Tirer un trait sur ma nostalgie, sur ces collections d'emmerdes qui s'entassent. J'ai conservé mes 4 lettres de noblesse. Ouais, Lucas c'est mon place, ça reste easy. Si, si, j'attends rien de personne. Alors faites que leur crevardise pour ici, si. Et la galère, hors de question qu'elle me suive aussi. Je la sèmerai au ralenti comme Steve Austin. Dites aux Sharon que je partirai sans leur dire à plus. Que je remonterai la vie de fumée quand je filerai droit devant leur arrêt de bus. Et ce sera mon tour de rire aussi. Même si j'ai pas des stars au ça, je suis rancunier gros cœur, comme disent mes réunionnais. Dans mon sac, tu sais, je n'y ai mis que ce qu'il me plaît, ouais. Je partirai avec mes effets personnels, sur lequel trop de personnes veillent. Je garde un œil ouvert dessus, du coup je perds sommeil. J'essaie, je tente de me diriger vers le soleil. Je partirai avec mes effets personnels, sur lequel trop de personnes veillent. Je me dirige sans crier gare vers le sommeil. En serait pendant qu'ils mettront leur vers soleil. Ce verre solitaire, ouais, mec, faudra s'y faire avant que je ne parte combattre Lucifer. Mais pour le moment, je m'échappe, le reste m'indiffère. J'avance jusqu'à croiser le fer, frérot. Ne croyez pas que je suis ici, les rumeurs s'ébruitent vite. Me cacher, je crois pas que la terre s'en charge, rien à foutre si j'agis juste avec une pierre sans char. V'là comment gagner une guerre en rab. J'en profite pour saluer ceux qui longent les murs en crabe. Tout ça monte au crâne crescendo, pendant que d'autres ratent des virages, des créneaux. Je garde l'essentiel sur le dos et mes sales manies. Car le monde est notre maison et faut pas l'oublier. Mais je comprends les fèbres à l'ombre d'un peuplier. En train de mater un esclave ouvrier. Qu'on se le dise, j'ai arrêté de prier. Et c'est solo que je continuerai ma randonnée. Je partirai avec mes effets personnels, sur lequel trop de personnes veillent. Je garde un œil ouvert dessus, du coup je perds le sommeil. J'essaie, je tente de me diriger vers le soleil. Je partirai avec mes personne veille, je me dirige sans crier gare vers le sommeil. En serait pendant qu'ils mettront leur vers soleil. Je partirai avec mes effets personnels, sur lequel trop de personnes veillent. Je garde un œil ouvert dessus, du coup je perds le sommeil. J'essaie, je tente de me diriger vers le soleil. Je partirai avec mes effets personnels, sur lequel trop de personnes veillent. Je me dirige sans crier gare vers le sommeil, en serait pendant qu'ils mettront leur vers solaire. Je cherche pas le randonneur, on prend pour un randonneur fou. Depuis que je rame salement, à marcher seul tout. Moi et mes effets personnels, sur la croisée des chemins, je vise loin, et puis qui vivra verra. Si, si.